Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue. Ça y est, j'ai enfin fini le roman érotique que j'étais en train de lire. Je dis enfin parce que comme j'ai repris le taf, blabli, blabla, j'ai un peu traîné pour vous faire ce podcast et je m'en excuse, mais... J'ai adoré lire ce bouquin. Ce bouquin, c'est quoi? C'est le deuxième roman pornographique de Claire von Korda qui s'appelle Obsession et qui est publié évidemment dans la collection Les Nouveaux Interdits aux éditions Media 1000. Avec en directeur de collection Sir Christophe Sieber. Alors attention, le second roman porno de Claire von Korda, Obsession, a été le coup de cœur d'un monsieur Laurent je sais plus quoi, sur le masque et la plume, n'est-ce pas, n'est-il pas? Bon, avec en même temps un côté extrêmement dédaigneux vis-à-vis de la littérature, des éditions de littérature pornographique. Mais bon, ce brave monsieur, peut-être qu'il a l'habitude un peu triste et qu'il découvre en fait. Par contre... il se retrouve obligé de reconnaître que la littérature est partout, y compris dans le genre érotique et pornographique. Et ça, eh ben, ça fait quelques années que je m'efforce de le dire et c'est pas pour rien que je fais ce podcast. C'est pour ça, mes amis. Alors, ce second roman porno de Claire von Korda fait suite au premier qui s'appelait Insatiable. Insatiable, rappelez-vous, on plongeait en fait dans les tréfonds du désir féminin en suivant le personnage, l'héroïne de ce roman-là, Obsession. Le personnage central est un homme qui s'appelle Graham et on va plonger au cœur de ses fantasmes et de ses obsessions. Graham et Maria Chloé, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, ils ont des gamines et Graham commence à être obsédé. Il a envie d'autre chose, notamment au niveau du cul. Il s'ennuie un peu, sa vie est un peu rangée, normale, elle est devenue un peu tristoune, un peu attendue. Et ce qui l'obsède depuis quelque temps, c'est d'imaginer des bites. Alors Graham, secrètement, c'est commander sur internet un god. Voilà où on en est, voilà le passage que j'ai décidé de vous lire. Préparez-vous, voici donc un extrait du second roman porno de Claire von Korda, Obsession, aux éditions Media 1000 dans la collection Les Nouveaux Interdits. Assis sur le divan, la contemplation bloquée sur mes chaussettes de sport me fait oublier de consulter l'avancée de mon colis. Je préfère ne pas bouger du canapé, notre deuxième depuis l'installation. Le premier, usé jusqu'à son dernier souffle, était couvert de trous de cigarettes. Chloé ne fume plus. La mousse surgissait du revêtement violet des coussins. Nos potes s'amusaient à y fourrer leurs doigts, ça laissait des miettes jaunes sales. Nous ne recevons plus d'amis. Celui-ci est crème, en angle arrondi. Un plaid le recouvre pour les accidents de glace. Des pieds souples en ébène le supportent. L'élégance version Ikea. Je doute tout à coup de mon achat. Le god sera difficile à cacher. Chloé a décoré notre intérieur, elle en connaît tous les recoins. Peut-être devrais-je lui présenter comme un jouet pour nous. Je m'épate d'arriver encore à configurer un « nous ». Idée débile. Je devrais lui parler. J'aurais déjà dû le faire. À présent, muré dans les non-dits, je cumule les cachotteries cruelles et engage une séparation certaine le jour où elle s'en rendra compte. Posé au centre de l'assise ferme et profonde, le canapé Grönlid m'assure un confort optimal. Intemporel, je remarque qu'il habille notre intérieur avec style. Est-ce que si j'osais m'y avachir, je déformerais son dossier épais ? Lorsque Chloé engueule les filles, je sais que l'information me concerne aussi. L'ombre de sa présence est un poids. Je me tiens droit, mes chaussettes sur le sol et mes genoux correctement en angle droit. La légèreté nous a quittés. Chaque espace est fermé. Des cloisons silencieuses entre elle et moi. Même mes chaussettes, elle les méprise. Mon torse abandonné sur mes cuisses. Je les fixe de près et m'interroge sur la caractéristique qui l'horripile. Blanches, épaisses et grasses, un trait bleu, un trait rouge. des chaussettes classiques de sport. Il ne faut pas toujours tout raconter à Chloé. Je trouverai un endroit rien qu'à moi. Un espace intérieur dans ma tête en version placard. J'ai mal aux dents d'avoir autant planté mon manteau dans mon genou. Le réveil indique 10h30 et si le livreur n'avait pas sonné, s'il avait laissé un avis de passage, je consulte l'avancée de mon colis. En état de livraison. En jogging, je passe un coup de balai autour de la table du salon. Je glisse jusqu'à la cuisine. L'appartement est silencieux. Des pneus roulent dans des flaques. À 11h30, j'irai voir la boîte aux lettres. Sous le faible éclat du ciel gris, sans lumière artificielle, les murs deviennent argentés. J'existe dans des souvenirs. Je ramasse les miettes, essaie de faire taire mes pensées, de me concentrer sur le ronron du réfrigérateur. L'appartement me semble immense. Finalement, je ne veux plus essayer le god. C'est absurde. Il y a trop de lassitude en moi aujourd'hui. L'acte sexuel devient complètement décalé. Je vérifie à nouveau sa photo sur le site. Mon enthousiasme revient. Je consulte une énième fois l'avancement. Est-ce que je change de fringue? Un jogging, ça fait malade. L'interphone sonne. Je ne retiens pas mon sourire. Le type me demande de descendre. Je m'exécute en trombe. J'ai honte de mes chaussettes. J'ai honte tout court. Je ne le regarde pas. Signe du doigt sur la tablette et remonte 4 à 4 les 2 étages, carton sous le bras. Je ferme la porte de l'appartement à clé. Je ferme la porte de mon bureau. Je ferme les volets. J'allume la petite lampe de bureau. J'ai attendu 3 heures le livreur. J'ouvre le paquet. Défais l'emballage. Je jetterai tout ça plus tard. C'est Noël maintenant. Le grand basculement. De taille démesurée. Je ne l'imaginais pas aussi gros. Mes doutes s'envolent. Je veux le tester. Je le passe sous l'eau. Savon, le nettoie comme un bras fragile d'enfant. De retour à la chambre, je l'observe, ventousé au sol entre le lit et le bureau. Érigé en totem africain, il est doux au toucher et il n'a pas vraiment d'odeur. En tailleur face à lui, je teste sa tenue en le collant, le décollant. J'aime bien sa matière en fait. Je regrette de ne pas avoir de lubrifiant. Notre sexualité avec Chloé n'en a jamais réclamé. Je le branle comme une extension de ma bite. Il est inutile de poursuivre. Je cesse mon geste mécanique. Ne sais pas quoi faire. Il doit vivre dans ma tête. Et si ça ne marchait pas? J'inspire en fermant les yeux. Visualise un pénis, évidemment en érection. Me penche et avale bouche ouverte. Un renvoi me fait reculer aussitôt. Voilà ma mission. Une gorge profonde, j'adore ça. J'envoie un sourire en coin, genre « on est partenaire ». Le gland trop rigide rend la pipe difficile pour un novice. Cette position n'aide pas. Je lui fais de l'œil et soudain perçois toutes les possibilités qui nous attendent. Je le smack et le colle sur le mur. Ça y est, nous y sommes. À 4 pattes devant lui, je le dévore des yeux. Il n'est pas en plastique, il est vivant. Je ne baisse pas le regard. Je me déshabille. Je veux le faire bander, je veux me faire bander. Je n'ai plus de t-shirt et mon jogging est ailleurs. Je garde mes chaussettes. Remontée jusqu'aux genoux, je me sens écolière japonaise. Un tas de dossiers, de dépliants et de classeurs sont empilés sur le bureau. Un globe terrestre chasse l'ennui, un oscilloscope le mesure. Des tas de trucs autour, les foulards de Chloé, une étagère de fringues, des BD sur le sol. Le god me lorgne, ventousé face à moi, se dressant entre un livre de peinture et ma collection de CD. En temps normal, je me laisserais volontiers absorber par mes choses, facilement distrait du présent, mais maintenant, l'œil absolu du god rose m'hypnotise. Le visage tendu vers lui, à 4 pattes, le cul en l'air, je minaude des paupières et passe ma langue sur les contours du gland. Je ferme les yeux et coince le bout entre mes dents. J'imagine une main sur ma tête. Ma salive annule le goût de plastique à force de lécher. Je m'applique, me dévoue, enfermé dans l'espace délimité par la porte et les volets. En faisant des va-et-vient sur la verge, je discerne presque son bassin ondulé dans ma direction. Le velours solide et délicat du pénis rappelle la finesse de l'intérieur d'un bras. Sa peau se plisse à la base, je bave dessus. En m'approchant doucement, rampant comme un chat, je respire par le nez et tente d'avaler plus loin. Son gland caresse mon palais. Une avancée lourde et profonde, un baiser des abîmes. Projetée en petite salope, une érection violente me surprend. Je poursuis ma fellation, lui murmure des secrets, ris en le branlant. Je ris et frotte mes tétons, et je ris encore, et m'envoie dans une gorge profonde. Sa bite est mon guide, mon but, il ne me lâchera pas. À la fois frustrant et rassurant, j'aimerais qu'il soit vrai. Savoir que je suis bonne suceuse, qu'il me prêterait à son mec. En 2 secondes, je m'allume à bloc, j'ai envie de le croquer. Je fais ma chaude, avale goulûment, tourne ma langue, la tire ouverte comme un diable médiéval et fouette le gland. Je le vois tressauter, je bande encore plus et crache dessus. Après avoir laissé un long filet de bave l'enlacer, j'avale la bite le plus loin possible. Ma gorge s'ouvre, mes yeux pleurent, j'en veux encore, le veux dans mon cul. Je m'acharne encore, me libère, puis respire, ris à nouveau. Gêné d'aimer autant ça, mon rire incontrôlable. Sans nous concerter, on ne doit pas croiser nos regards, je le ventouse sur les carreaux bordeaux du sol. Mon érection aussi présente qu'une autre jambe entre mes cuisses, je suis tiraillée entre la peur et un désir violent. Il se dresse, dégoulinant, rose et attirant. Les lignes de sa verge apparaissent comme celles qui dessinent les muscles des martyrs, exsangues et sèches. Adorable, dans l'envie de tout faire, de tout avoir, je reste clouée à le fixer. Et puis mon rire me reprend, mes joues se bloquent, mon souffle suit les palpitations de mon cœur, de ma bite, de mon désir brûlant. Je lui présente mon cul, me lèche 2 doigts et les enfonce direct. Mes gestes viennent naturellement, il me conseille, je le ressens. Mes doigts râpent, je repense à toutes ces vierges de films porno, elles rient autour de moi. Je reproduis l'opération, crache sur l'index et le majeur, les glisse lentement d'abord, sûrement ensuite. Mon anus est étroit, comme celui de la jeune asiatique lors de sa première sodomie. Je me branlais dessus, j'adore la pénétration. Légèrement cambré vers lui, j'imagine qu'il observe mon trou en gros plan. Il est dur, je l'excite, je me doite. Et vit, ressent les picotements. Il sourit dans mon dos. Des encouragements. Je vais te faire crier. Cet inconnu m'enivre. Je me donne tout entier. Qu'il voit mon visage, je m'en fous. Accroupi, les genoux pliés, le cul dirigé vers sa bite, toute puissante, menaçante, je bande comme un fou malgré la nouveauté et la peur. Mon sexe dressé, mon gland touche mon nombril. J'écarte mes fesses à 2 mains et m'encule. Les muscles de mes cuisses se tétanisent. La pénétration ne glisse pas assez. Je souris sans le son. Mon anus trop fermé, le gland cogne dessus. C'est bon, c'est douloureux. Je n'abandonne pas. Appuie sur les mains au sol et relâche ma tête entre mes épaules. Le bassin en avant, les jambes toujours pliées, je tends mon sexe dans le vide. Petite salope, j'entends dans mon dos, le visage crispé, il voudrait me choper la queue. J'envoie une main derrière et constate que le gland est à peine introduit. Ce sera trop difficile. Mon érection tient toujours la route. Je transpire, suis frustrée, me libère et me fourre à nouveau 2 doigts. Mon anus se dilate. La tête écrasée contre le sol, mes doigts glissent, mon anus s'ouvre, j'en ajoute un 3e. Intérieur chaud de mon cul. C'est dingue de sentir les parois s'écarter sous le passage. Comme shootée, je n'ai pas vraiment conscience de ce que je fais. Je n'ai pas peur d'être surpris, je n'y pense pas. Je prends mon pied. Le god abandonné sur le carreau se dresse contre ma joue, m'appelle. Je l'avale en entier. J'adore. Deux mecs pour moi, trois, une horde, je suis leur esclave, leur outil. Un doigt en plus et j'explore de nouvelles sensations. Le cul relevé, j'ondule, mon bras tordu en arrière, je me mords la bouche tellement c'est bon, je bande, j'ai envie de jouir, j'ai envie de m'empaler encore sur le god, il me l'ordonne, sans attendre, je me redresse et reviens à ma position initiale, sans attendre me laisse tomber dessus et un déchirement se produit au-dedans, je m'esclaffe. Une putain d'ouverture, un grand écart de l'anus, accroupi, cuisses écartées, je pousse un cri sous l'impact, m'attrape la queue, enfile-moi, je lui crie, je te la mets profond, il répond, je gémis d'un rire fou, me branle, mon cul brûle, hystérique, je vire mes chaussettes pour ne plus glisser, et par la force de mes pieds, m'empale sur le god, je me dresse dessus, retombe en Amazone plus profond encore, comme si plus jamais je ne pourrais l'enlever, énorme. Il me possède, répand sa toute puissance dans mon anatomie, me défonce. Je lui appartiens, comblé, possédé, comme un trop-plein, un étouffement conscient, le larcène aigu du plaisir vif d'un clou dans la chair. J'exulte. Mon rire devient continu jusqu'au plafond. Mes muscles se crispent, mon corps trop étroit pour la majesté de son membre, pour l'exploit de l'orgasme. Des bites, des langues, la grande lumière, l'extase, un seigneur baisant, moi, son serviteur. Je crie, m'ouvre, ris, explose. Trou béant de l'univers, le gouffre de mon cul. Planté sur le cobra, je transpire des litres, me transporte loin, oublie les murs et le sol. Je me branle fort, petite traînée, il me baise, je suis mort de rire, je vais mourir, je vais jouir. Ton sperme, il réclame, il commande. Des nuées de guêpes remontent mon corps, des invasions de canines, ma bite en feu, mon cul rayonnant, je ne tiens plus, mes jambes faméliques, mes pieds cloués, le god me perfore, je le sens jusque-là dans ma gorge, et alors dans l'aura de ses couilles, il me perce. Le diable en toi, je gicle, l'enfer de ton cul, je jouis. Et pendant des secondes immobiles, je n'ai plus de souffle et suis sans volonté. Les murs blancs de lumière, mon bureau éclatant à travers les dossiers, la chute irrévocable du globe terrestre. Sur le carrelage, les jambes en vrac devant moi, le regard vide sur mes poils, je n'en reviens pas de ce que j'ai fait. Super fière de moi, je ne me reconnais pas. Comme si je rencontrais quelqu'un de nouveau, comme naissant. Je n'ai pas encore froid. Je remets mes chaussettes. Elles sont moites. Le globe vacille encore d'être tombé au sol. Le léger balancement de la coupole métallique émet un imperceptible raclement sur le carrelage. Cette séance m'a dévasté, ouvert sur tous les plans, mon anus bat, mes pensées se bloquent, l'enthousiasme m'habite, je veux recommencer. Des BD fermés contre le lit, le blanc des murs perce en éclats, la chaleur s'échappe de mon torse. L'urgence calmée, j'hésite pourtant à remettre ça, en fond de tâche elle me tend, me tient éveillée. Je constate l'étendue du temps libre de mon après-midi. Pas encore satisfait, crise de boulimie, je n'en peux plus d'attendre. Je ne sais même plus ce que j'attends, je me sens malade, fiévré, obsédé, insatiable. Il faut que je prenne l'air, hanté, dépossédé de mon temps. Il faut que j'aille prendre l'air. Incapable de rester calme, je me redresse, mon anus ouvert, mes muscles réagissent bizarrement, ma tête, mes pensées en boucle, le tournis de mon cul, l'aspiration de la baise, je dois redescendre. En chaussettes, d'un coup je percute qu'il faut trouver une cachette, il faut que je sorte. J'essaie de me calmer en fouillant partout dans le placard et les piles de fringues. Bordel, ce jeu m'excite. Et si je le laissais traîner pour Chloé? J'imagine sa tête. J'étouffe un rire, mais le stress me rattrape aussitôt. Non, le planquer dans mon sac de sport. Personne n'y touche jamais. Voilà, ouais, le sac en toile vintage. J'ai chaud. faut que je sorte. Voilà, c'était donc un extrait de l'excellent roman porno, le deuxième, de Claire Fancorda qui s'appelle Obsession. Vous avez fait la rencontre et vous avez découvert Graham et sa nouvelle obsession, son obsession de la bite. Moi, j'ai vraiment pris un immense plaisir à retrouver l'écriture de Claire Fancorda. Je vous détaille tout le pitch, tout ça, dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui sur mon site charlie-tantra.fr ou charlie-liveshow.com, comme d'habitude. Mais juste quelques mots, j'ai vraiment pris un grand plaisir à retrouver l'écriture de Claire. Elle est toujours aussi précise, aussi rythmique, aussi axée sur les sensations. C'est ce qui fait que je trouve les scènes... c'est ce qui rend, je trouve, les scènes de cul très vivantes, en fait. Là, enfin, je sais pas comment vous le vivez à l'écoute, mais en le lisant, t'es vraiment embarqué dans le truc parce que t'as le rythme, t'as la respiration, tu te cales sur la respiration du personnage et t'es à la fois dans ce qui se passe et dans vraiment les sensations physiques, comment ça impacte sur le corps. Et je trouve ça vraiment hyper bien foutu. Après, ce que j'aime bien aussi chez Claire Fancorda, c'est qu'elle vient interroger, titiller, gratter et gratter de plus en plus profondément. Dans ce bouquin Obsession, elle se pose vraiment la question des obsessions, des fantasmes et de jusqu'où ça peut nous mener. Et son personnage, Graham, elle va l'emmener très très loin. Et comme dans Insatiable, où à un moment donné, on basculait sur un truc où tu t'es dit « Waouh, on est encore dans la réalité, c'est un rêve, on est où, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Là, c'est pareil, Graham va se retrouver, il y a une partie au départ qui est très terre-à-terre, en fait, on est vraiment dans la vie de Graham, avec sa femme, ses gamines et ses obsessions, et comment il les gère, et comment il les vit, et comment il se cache, et c'est vraiment d'ailleurs très très bien écrit là. Le moment dans l'histoire d'un couple, on est du point de vue du mec et où ça, il y a quelque chose qui est plus là, mais où il est lâche, il veut pas en parler, il le dit pas et il y a tous les non-dits. C'est vraiment très très bien écrit. Et à un moment donné, Graham va basculer ailleurs. En fait, il va se retrouver dans une espèce de clinique dans les Hautes-Alpes. Tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop où t'es. C'est vraiment hyper étrange et c'est une clinique qui va l'amener à découvrir d'autres plans. Je vous en dis pas plus, je détaillerai un tout petit peu plus dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et puis surtout, je vous lis très bientôt un second extrait de l'excellent roman porno de Claire Fancorda, Obsession. Alors, je vous rappelle, c'est publié dans la collection Les Nouveaux Interdits aux éditions Média 1000. Vous savez, c'est la collection qui est dirigée de main de maître par Monsieur Christophe Siebert. Taparam ! Et j'aime bien faire des bruitages à la con quand je parle de Christophe Siebert. Je sais pas, ça lui va bien, je trouve. Et donc, je vous mets sur mon site charlie-liveshow.com, je vous mets le lien pour vous offrir le bouquin de Claire Fancorda. Je vous mettrai aussi le lien vers une interview que Christophe Siebert a fait d'elle à propos de ce roman, Obsession. Et puis, il y aura aussi le lien vers mon Patreon si vous aimez ce podcast. Si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et que vous en voulez encore plus, viendez donc me rejoindre sur Patreon et me soutenir. Vous pouvez le faire à partir de seulement un petit euro par mois, donc c'est pas ça qui va vous empêcher de manger des pâtes. Et moi, ça me permet de me soutenir et de me dire « Hey, vas-y Charlie, on est avec toi, on est derrière toi et si t'as besoin de plus de temps, plus vous serez nombreux, plus ça fera des sous et plus moi je pourrai dégager du temps pour vous faire de plus en plus de lectures, évidemment. » Et puis, pour mes Patreons, il faut savoir qu'il y a des petits bonus exclusifs rien que pour eux. Alors si vous voulez en être, let's go, venez me rejoindre sur Patreon, patreon.com/charlieliveshow. Sinon, il y a le lien partout sur mon site. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Venez me dire en commentaire sur mon site ce que vous avez pensé de cette lecture, ce que ça vous a fait, quelles sont vos obsessions à vous. Ouais, c'est vrai ça, c'est quoi vos obsessions? Et quelles sont, quel est votre rapport à vos obsessions? Est-ce que c'est quelque chose qui se gère, qui se tient à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mange la tête et vient bouffer votre vie quotidienne? J'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, moi, le roman de Claire Fancorda, il m'a vraiment fait me poser des questions, justement, sur les obsessions, sur c'est quoi les limites, en fait. Je pense que je vais bientôt écrire un article là-dessus. Ouais, ça me plaît. Bon, en attendant d'ailleurs, vous pouvez retrouver là le dernier article que j'ai écrit sur mon site, c'est un article sur la soumission. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est aussi un espace de partage et d'échange. Donc vous êtes les bienvenus, bien évidemment, charlie-liveshow.com. Allez, cette lecture érotique est terminée. Ce podcast touche à sa fin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment, et un nouvel extrait de Obsession de Claire Van Gorder. Prenez soin de vous, des bisous. Ciao, ciao, ciao.